Selon la radio sud-coréenne CBS, le comité de mesures urgentes de l'Église méthodiste face à l'actualité, regroupant les organisations de son Église, a publié le vent courant une déclaration contre la disposition de SAD. Précédemment, à l'arrondissement de Songju, province du Gyeongsang du Nord, en droit de disposition de SAD, l'Alliance catholique de Songju a commencé le mouvement de collecte de signatures envers les religieux avec les pancartes s'opposant à la disposition des missiles américains et présenté dans le homepage d'Internet avec les habitants de l'arrondissement les numéros protestant avec véhémence à la dernière mesure de Pakone. Ainsi, le milieu religieux est animé par le climat de protestation. Par ailleurs, La Voix du Peuple, journal d'Internet sud-coréen, a présenté le 22 l'éditorial « Le réexamen de la disposition de SAD et le vœu du peuple ». Le comité de mesures de Pyeongtaek contre la disposition de SAD a tenu le 20 sur la place de la gare de Pyeongtaek un meeting contre SAD. Et le comité de mesures nationales contre la disposition de SAD a tenu le 21 devant le siège du gouvernement à Séoul une conférence de presse contre la tentative des autorités conservatrices visant à réprimer la lutte contre SAD.